L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'étoile Eta Carinae n'est pas une étoile comme les autres. C'est un mystère. Un mystère qui fascine les astronomes depuis le 19e siècle. Eta Carinae est composée de deux étoiles qui se tournent autour en 5 ans et demi. La plus grosse est énorme. Elle pèse plus de 90 fois la masse du Soleil et se trouve être incroyablement instable. Une grosse nébuleuse gazeuse formant deux gros lobes, la nébuleuse de l'Homoncule, elle-même plongée dans une autre masse de gaz, la nébuleuse d'Eta Carinae, entoure l'ensemble. Lorsque sa petite compagne se rapproche au plus près d'elle, comme c'est le cas en ce moment, l'interaction entre les deux étoiles produit des changements brutaux dans l'émission à haute énergie du système. Eta Carinae est située à environ 7500 années-lumière de la Terre, dans la constellation australe de la Carène. Elle est 5 millions de fois plus brillante que le Soleil. Et c'est en 1838 que Eta Carinae a vraiment fait parler d'elle, quand eut lieu ce qui fut appelé par la suite la Grande Éruption. Une brutale explosion qui fit de Eta Carinae la deuxième étoile la plus brillante du ciel pour une dizaine d'années, avant de voir son éclat s'affaiblir lentement. Les astronomes estiment que c'est cette éruption qui aurait expulsé environ 10 fois la masse du Soleil qui serait l'origine de l'apparition de la nébuleuse de l'Homoncule bien visible aujourd'hui. Mais alors que Eta Carinae est sans aucun doute l'étoile massive la plus étudiée, aucun astronome ne parvient encore à expliquer le fonctionnement de ce système binaire hors norme, et notamment ce qui s'est exactement passé lors de la grande éruption. Cette éruption, et ce qu'elle a laissé derrière elle, n'existe pas dans les modèles d'évolution des étoiles massives tels qu'ils sont développés par les astrophysiciens depuis des décennies. C'est en fait l'unicité de Eta Carinae qui en fait un sujet difficile à comprendre. Car Eta Carinae est un cas unique dans notre galaxie, du moins de ce que nous en connaissons. C'est donc devenu un but essentiel pour les astrophysiciens d'essayer de trouver d'autres spécimens semblables à Eta Carinae pour tenter de dresser des points communs et pouvoir comprendre enfin ce que sont ces étoiles étranges. Mais voilà, ces types d'étoiles très massives sont rares, notamment parce qu'elles sont très instables et ont généralement une durée de vie courte, de l'ordre de 10 millions d'années. Observer une éruption du type de la grande éruption, qui est déjà rare en soi, sur des étoiles rares, n'est pas chose aisée. Des astrophysiciens se sont tout de même lancés dans cette recherche, après avoir mesuré le spectre infrarouge de Eta Carinae et ont cherché, dans les vastes catalogues enregistrés par les télescopes spatiaux Spitzer et Hubble, des étoiles montrant des spectres similaires. Rubab Khan, du Goddard Space Flight Center de la NASA et ses collaborateurs, viennent ainsi d'annoncer la découverte de 5 étoiles jumelles de Eta Carinae situées dans des galaxies voisines. Ils ont scanné, pour leur recherche, 4 galaxies proches et bien connues des amateurs, M83, NGC 6946, M101 et M51, qui sont toutes situées entre 15 millions et 26 millions d'années-lumière. Ils ont sélectionné ces galaxies pour leur taux élevé de formation d'étoiles, laissant penser qu'elles pourraient posséder de nombreuses étoiles massives. Parmi ces 5 jumelles d'Eta Carinae trouvées, 2 se trouvent dans M83 et les 3 autres dans chacune des autres galaxies étudiées. Toutes ces étoiles massives apparaissent masquées derrière un épais nuage de gaz et de poussière de 5 à 10 masses solaires ayant une température de plusieurs centaines de degrés, tout à fait similaire à ce que l'on observe dans le système d'Eta Carinae. Les astrophysiciens devraient enfin pouvoir commencer à répondre aux questions soulevées par Eta Carinae. Est-ce que toutes les étoiles très massives perdent de grosses quantités de matière lorsqu'elles vieillissent? Comment perdent-elles cette matière ? Par une seule grosse éruption ? Ou bien une série de petites éruptions ? Et quel est le rôle exact du vent solaire dans ces étoiles ? Enfin, surtout, combien de temps vivent-elles après de telles éruptions géantes avant de finir en supernova de type 2 en laissant derrière elles un trou noir ? Toutes ces questions pourront plus facilement trouver des réponses maintenant que Eta Carinae n'est plus seule dans le bestiaire des étoiles hors du commun. Ces nouvelles venues vont pouvoir être observées très attentivement par les télescopes de nouvelle génération, notamment par le successeur de Hubble qui sera idoine pour ça, le télescope James Webb, dont le miroir est en cours d'assemblage et qui devrait entrer en scène en 2018. Et bien évidemment, les astrophysiciens vont poursuivre leur quête pour trouver encore d'autres candidates semblables à Eta Carinae dans d'autres galaxies, histoire de mieux cerner si les conditions physiques de la galaxie hôte peuvent jouer un rôle sur le devenir de ces drôles d'étoiles. Cette étude a été publiée dans The Astrophysical Journal Letters et a été présentée lors de la 227e réunion de l'American Astronomical Society la semaine dernière. Et oui, elle s'est terminée dimanche. Allez, le titre de cet article, oui, tout simplement et très sobrement, « Discovery of five candidates analogues for Eta Carinae in nearby galaxies » par Rubab Khan et ses collaborateurs dans The Astrophysical Journal Letters, volume 815. Restez bien à l'écoute, restez bien informés sur le www.sasepasselahaut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur podcloud.fr ainsi que sur iTunes. N'hésitez pas à vous y abonner. D'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Ah ouais, allez, salut !